Des avoue-toi des partisans de la négation, et sois rebelle, ô mon enfant, à ceux qui le sont, ceux qui refusent les ordres d'Allah descendus du ciel. Le poison dis-nous a-t-il donc le goût du miel? Ne prends donc pas pour allié ceux qui ont trahi, qui ont nié la vérité et sont avilis. Désavoue-toi par ta croyance et tes propos. L'aigle dis-nous vit-il au milieu des corbeaux? Désavoue-toi des partisans de la négation, et sois rebelle, ô mon enfant, à ceux qui le sont, ceux qui refusent les ordres d'Allah descendus du ciel. Le poison dis-nous a-t-il donc le goût du miel? Ne prends donc pas pour allié ceux qui ont trahi, qui ont nié la vérité et sont avilis. Désavoue-toi par ta croyance et tes propos. L'aigle dis-nous vit-il au milieu des corbeaux?